Je suis mélancolique. J'ai envie de partir. Une envie d'aller mourir. Non. Pour un jour ne plus souffrir. Non. Je suis un alcoolique. Je vais pas vous le mentir. Non. Désolé de vous avoir menti. Je vous conduis dans mon jardin, dans quelques jours refleurira. C'est le parterre de mes chagrins, et là j'irai me recueillir. Oh, que des fleurs tout alignées venant raviver mes douleurs. Pas de parfum à exhaler et qui pourrait réjouir mon cœur. Je marcherai à pas feutrés pour respecter la dame en noir, car c'est bien sa propriété sur la route du dernier soir. Ici reposent les aînés, et là ils sont tous partis, ceux que j'ai aimés. Malgré les mois et les années, le souvenir reste présent. Je suis mélancosmique, un mec mélancolique, avec au ventre l'envie de crier au monde que l'on m'a oublié. Un mec qui ne fait que pleurer. Je suis mélancosmique, un mec si triste. Respect bien sûr à mes aînés, qui comprendront ce que j'ai. Une envie de plus penser. Devant leur rectangle fleuri, je penserai à autrefois, quand nous étions tous réunis autour de la table en bois, et les images des fils remontant loin dans le passé. J'étais alors petit garçon, qu'elle était belle la maisonnée. Puis, en quittant ce lieu triste, le pas pesant, le cœur serré, mais attendant venant des cieux cet heureux jour tant espéré. Fini alors la monopole, la dame en noir exappropriée, car la voix de sa parole, la mort devra capituler. Je suis mélancosmique, un mec mélancolique, avec au ventre l'envie de crier au monde que l'on m'a oublié. Un mec qui me fait que pleurer. Je suis mélancosmique, un mec si triste. Respect bien sûr à mes aînés, qui comprendront ce que j'ai. Une envie de plus penser. Je suis mélancolique.